ma confiance na yo na kosenga. Na mwa chante koni kanga elpo na sepela. Mo pepe le kia e. Pe bambu na to bandi konuna. Ba fami ba zeli mingi mama. Ebongi to balana. Confiance yo kosenga gai na kopesa. Oyo yeba, tolongi etumba, mama. Tolongi etumba. Nana pesi lelo motema bate. Alors à Lord Mister Dynamics, vous m'entendez très bien, je vous passe l'antenne. Merci. Mama.